إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. L'intitulé du cours concerne un rappel bref, concis, résumé sur la croyance, le dogme de Ahlus Sunnati wal Jama'a, les adeptes de la Sunna et du groupe et du consensus. La croyance sur laquelle étaient As-Salaf As-Salih, les pieux prédécesseurs, parmi les compagnons radiyallahu anhum, les tabi'in et les atba'a tabi'in rahimahumullahu ta'ala, et ceux qui les ont suivis convenablement de la bonne manière jusqu'au jour dernier. Ce cours est tiré d'un écrit du cheikh al-doctor Ali ibn Yahya al-Haddadi hafidhahullahu ta'ala, qui est parmi les savants et les mashayikh saoudiens de la ville de Riyad, un des responsables de l'université islamique de la Mecque, de Riyad, je veux dire, qui s'appelle Jami'atul Imam Muhammad ibn Saoud al-Islamiyya. Il dit, hafidhahullahu ta'ala, que cet écrit à la base était une khutbah, un prêche du vendredi, hein, qu'il a mis par écrit pour pouvoir le propager au lecteur. Et il précise dedans aussi qu'il a bien profité pour cet écrit des ouvrages dans la croyance et le dogme du grand savant, le Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il a un ouvrage qui s'intitule « Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a » ainsi que d'un ouvrage de Cheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, qui s'intitule Al-Aqidatu al-Wasitiyya. C'est pas al-Wasatiyya. J'ai déjà vu quelqu'un ou certains dire que ça veut dire la croyance médiane. Non, ce n'est pas al-Wasatiyya, c'est al-Wasitiyya. C'est-à-dire que elle fait référence à la ville de Wasit, car c'est un habitant, un shir, un juge de Wasit qui a écrit à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui lui était à Damas, pour lui résumer, lui faire un exposé de la bonne croyance vu les innovations qui se propageaient à l'époque. Et il a répondu par cet écrit connu qui s'appelle Al-Aqidatu Al-Wasitiyya. Et il est même dit qu'il l'a écrit entre l'Asr et le Maghrib, rahimahullah ta'ala. Awalan, premièrement, Al-Imanu Billahi ta'ala, la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa al-Imanu Birububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Et la foi en Allah, elle consiste à avoir la foi en sa seigneurie, en sa divinité et en ses noms et attributs. أما الإيمان بربوبيته concernant la foi en Allah تبارك وتعالى dans sa seigneurie. فيعتقدون أن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لا شريك له في خلق ولا إحياء ولا إماتة ولا جلب خير ولا دفع ضر. La croyance en la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'ils croient. Ils ont la foi en Allah, qu'Allah est bien le Seigneur, le Créateur, le Maître, celui qui gère toutes choses, toutes ses créatures, tout ce qui peut se passer dans sa création. Il n'a point d'associé, ni dans la création, ni dans le fait de donner la vie ou de donner la mort, ni d'amener un bien ou de repousser un mal. Donc, cette question concerne les actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah, il est le seul là-dedans, il n'a aucun associé, subhanahu wa ta'ala. بل ذلك كله إلى الله تعالى. Tout ceci revient à Allah عز وجل. كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين. Comme Allah a dit, glorifié soit-il, dans le sens du verset, louange à Allah, Seigneur des mondes. وكل ما سوى الله عالم. Et tout ce qui est en dehors d'Allah, quel qu'il soit, ou quoi que ce soit, tout ce qui est en dehors d'Allah fait partie du monde. Wallahu rabbuhu wa malikuhu wa mudabbiru amri. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il est son Seigneur, il est son maître, et celui qui le gère, et il gère toutes ses affaires. Subhanahu wa ta'ala. والإيمان بألوهيته. Et la foi dans son unicité, dans sa divinité. يعتقدون أن العبادة حق خالص لله تعالى. لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره. لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن من دونهما. La foi en la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on appelle aussi l'iman bi'ibadatih, tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans la divinité, on l'appelle aussi l'unicité d'Allah dans l'adoration, car ce point-là concerne les actions des créatures, les œuvres vouées, les cultes, les actes d'adoration, elles doivent être vouées exclusivement réservées à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'adoration, c'est un droit pur, un droit exclusif à Allah, élevé soit-il. Il n'est pas permis de donner une quelconque adoration ou de diriger une quelconque adoration à autre que lui, même pas un ange rapproché ni un prophète envoyé. Que dire d'autre? Si on n'a pas le droit d'adorer les anges rapprochés ni les prophètes envoyés, toutes les autres créatures sont bien en dessous. Encore moins on aura le droit de leur réserver ou de leur donner une quelconque adoration. L'adoration est un droit pur, exclusif, réservé à Allah, tabaraka wa ta'ala. وَهَذَا مَعْنَى كَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et voilà le sens voulu de la parole de la ilaha illallah. La ilaha, que nul n'est adoré en vérité. Illallah, sauf Allah. Personne n'est en droit d'être adoré, sauf Allah. Exception faite seulement à un, qui est le seul et l'unique, et qui est le seul à créer, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Tous ceux qui sont en dehors de lui, quel qu'il soit, ou quoi que ce soit, n'ont pas le droit d'être adorés. Et s'ils sont adorés, c'est une adoration qui est vaine et qui est fausse, car le seul véritable à être adoré, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah, nul n'est adoré en vérité, si ce n'est Allah. Et on rajoute aussi dans certaines formules, wahdahu la sharika la. Wahdahu la sharika la sont des mots rajoutés pour confirmer ce que tu as dit précédemment. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, c'est la même chose. La ilaha, c'est la négation. Illallah, c'est l'affirmation. Wahdahu, c'est l'affirmation. La sharika la, c'est la négation. Tu répètes ta phrase par d'autres mots qui viennent le confirmer. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika la. C'est-à-dire que tu te répètes pour bien faire comprendre encore plus qu'il est bien le seul et qu'il n'a pas d'associé. Bien que c'est déjà voulu par la première phrase. فَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي أُلُوهِيَّتِهِ. Donc, celui qui va adorer autre que Allah aura associé à Allah dans la divinité. C'est qu'il en a fait une divinité. Qu'est-ce qu'une divinité ? C'est celui qui est adoré. الإله بمعنى المألوه والمألوه هو المعبود من فعل أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. C'est important de comprendre les mots. Et c'est pour cela que Quraysh, lorsque le prophète sallam les invite à cette parole, ils sont des Arabes qui parlent une langue arabe claire. Ils comprennent les termes. Et ils ont compris qu'en formulant cette phrase, ils se devront de délaisser complètement tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ceux qui sont restés dans le polythéisme n'ont pas voulu la prononcer. Et combien plus tard, comme membre de la communauté, formule et prononce cette parole sans aucun problème. Mais au même moment, ils disent et ils font son contraire, son opposé, ce qui vient à l'annuler lorsqu'ils tombent et ils commettent des actes de polythéisme, que ce soit dans les paroles ou dans les œuvres, en pensant que ces actions-là n'entacheront pas cette attestation de foi, alors qu'elles viennent à la faire tomber. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ qu'Allah nous préserve de tout mal. كَمَنْ يَسْتَغِيثُ بِالْأَوْلِيَاءِ comme ceux qui viennent faire l'istirafa. L'istirafa, c'est comme l'isti'ana. C'est la demande d'aide et de secours. Mais l'istirafa, elle est souvent employée dans les moments catastrophiques, dans les moments lourds, difficiles. Là où la personne, elle peut penser que c'est sa fin. Celui qui se croit dans un moment vraiment de nécessité. Et on envoie des gens, pendant ce moment de détresse, appeler, interpeller les awliya. Al-awliya, c'est le pluriel de wali. Et tout le monde est wali. La seule différence, c'est envers qui tu es wali. Al-wali, c'est l'intime, le proche, l'allié. Mais c'est soit tu es un wali d'Allah ou tu es un wali de Shaytan. Et tout bon musulman, qui a la foi et qui fait preuve de piété est un wali d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit c'est qui les awliya, ceux qui ont cru. Certes, les alliés d'Allah n'ont rien à craindre et aucune tristesse à avoir. Aucune tristesse à avoir pour ce qui s'est passé et aucune crainte à avoir dans le futur. C'est qui ? Ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Voilà le wali d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces termes-là, on le retrouve souvent employé par les soufis. Et ils veulent par là les vertueux, as-salihin. Ils veulent par là as-salihin. Et les salihin, les vertueux, ce sont des hommes de piété. Les véritables salihin, ce sont des bonnes personnes. Des personnes connues pour leur rapprochement d'Allah, pour leurs bonnes œuvres, pour leur bon comportement, pour la bonne vie qu'ils ont eue, qui plaît à Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais, certains en ont fait des divinités en dehors d'Allah. Et donc, ils les interpellent comme on devrait interpeller Allah, tabaraka wa ta'ala. Et certains ont même dépassé les polythéistes de Quraysh. Car à l'époque, ils adoraient et invoquaient en dehors d'Allah en temps normal. Mais dans le moment de détresse, ils oubliaient les divinités en dehors d'Allah et ils invoquaient sincèrement Allah sans rien lui associer. Puis une fois mis à l'abri, ils oubliaient cela et retombaient à nouveau dans leur polythéisme. Maintenant, on a des gens qu'ils invoquent et interpelle des divinités en dehors d'Allah, que ce soit dans des moments faciles ou dans des moments de détresse. Wallahu al-musta'an. Kaman yastaghithu bil awliya wa yad'u al-mawta wa yataqarrabu ila al-adriha. Comme ceux qui cherchent secours auprès des walis qui invoquent les morts et se rapproche, il cherche un rapprochement auprès des mausolées et des tombes. C'est le premier aspect de polythéisme connu sur terre chez les fils d'Adam, c'est avec les morts et avec les saints et les tombeaux. Lorsque dans le peuple de Nuh alayhi salam, ces cinq hommes vertueux, connus pour leur piété, ils sont décédés, Shaytan a embelli cette mauvaise action en leur disant de fabriquer, de construire à leur effigie, en mémoire à ces hommes, des statues pour se rappeler des bonnes actions, de la piété, de la vertu, pour plus tard que de nouvelles générations viennent et ils en viendront à les adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là est né pour la première fois le polythéisme. Il égorge, il fait un sacrifice d'une bête, d'un animal pour les djinns. Ça, ce sont des actions démoniaques, sataniques. Jamais l'islam n'enseigne cela. Les djinns sont des créatures qui sont comme nous, du fait qu'ils sont créés par Allah Azza wa Jal. Donc ils sont des créatures. Ils ne sont pas créateurs. Ils ont leurs faiblesses. Ils ont leurs peurs. Comme les humains. Ils sont dans le besoin du Seigneur. Comme les humains, comme toute créature. Et parmi eux, il y a des bons et il y a des mauvais. Comme chez les humains. Seulement, Allah, eux, il les a créés de feu. Et nous, les humains, Allah nous a créés de terre et d'argile. On vit sur terre, ils vivent aussi. Ils ont la leur, on a la nôtre. Eux nous aperçoivent, ils nous voient. Et nous, on ne les voit pas. Et parmi eux, il y a des diables. Comme chez les humains, il y a des diables. Et des mauvaises personnes. Et certains parmi les humains se rapprochent de ces diables, de ces démons, pour des choses qui sont démoniaques, sataniques, mauvaises, pour s'entraider. Et ils ne viendront l'aider que s'ils mécroient en Allah Azza wa Jal. Il fait ce qui va le faire sortir de l'islam, faire de lui un mécréant et un polythéiste. Et parmi les choses qu'il demande, c'est les sacrifices. Jusqu'à même des sacrifices d'humains. Wal'iyadu billah. Et toutes ces choses-là sont mauvaises. Parfois, l'humain, il en arrive à un stade à minimiser. Il ne voit pas la gravité. C'est parce qu'il n'étudie pas le tawhid. S'il étudiait le tawhid, et subhanallah, plus la personne est ancrée dans le tawhid, et plus il l'apprend et plus il l'étudie. Car il sait qu'il n'est jamais à l'abri. Et ceux qui se sentent à l'abri sont les plus ignorants dans le domaine du tawhid. Pas étonnant que les sectes égarées, on voit la place qu'a le tawhid chez eux. Quand certains parmi eux viennent à te dire le tawhid, il n'en a besoin que de 10 minutes. Wal'iyadu billah. On a vu le résultat désastreux que ça a donné. Wallahu al-musta'an. Donc, ils font ces choses-là et minimisent. Donc tu en vois même dans nos pays. Ils viennent habiter dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement. Il vient faire un sacrifice avant de rentrer. Quelqu'un pourrait dire, oh, non, il n'y a rien. Non. Ceux qui agissent ainsi, c'est pour soi-disant sortir les mauvais esprits, les démons qu'il y a dans cette maison. En faisant cette action-là, les gens leur conseillent de faire cela. Mais c'est pour qui ce sacrifice? Wal'iyadu billah. Allah, et beaucoup le font. Même certains, lorsqu'ils achètent une nouvelle voiture, une nouvelle monture. Tout ça pourquoi? Parce que il y a un manque de confiance en Allah Azza wa Jal. Et de foi en Allah Azza wa Jal. Et que c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il faut invoquer. Et qu'il faut supplier. Et c'est Allah qui amène le bien et qui repousse le mal. C'est Allah qui guérit. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul. Il n'a point d'associé là-dedans. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a enseigné ce genre d'agissement, plutôt le contraire. Il les a combattus. Et il nous a expliqué et clarifié le danger de ces choses-là. Donc, les djinns, quelle que soit la chose, les choses qu'Allah aurait pu leur donner, ce sont des créatures. Et ils ont leur part de peur. Mais lorsqu'ils voient l'humain peureux et qu'il les craint, et bien ils en profitent. Ils en profitent pour l'atteindre et lui faire du mal. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous préserve de tout mal. ومن مات على هذا مات على الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار والعياذ بالله. Et celui qui meurt ainsi, qui meurt avec ses agissements, ses actes de polythéisme, il meurt sur le grand polythéisme, le polythéisme majeur qui en découle l'éternité dans le feu de l'enfer. Pour celui qui a fait ça. Qu'Allah nous en préserve. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله nous dit dans le sens des versets. Et adorer Allah et ne lui associer rien. Il nous dit aussi dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Allah nous dit aussi dans le sens du verset, certes celui qui vient associer à Allah, Allah lui interdit d'entrer dans le paradis. Et il n'aura comme refuge que le feu de l'enfer. Et les injustes n'auront personne pour les secourir. Et la foi, la croyance en Allah dans les noms et attributs. أنهم يعتقدون وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما سمى به نفسه ووصف به نفسه أو سماه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. Ils ont la conviction, la croyance, cette foi obligatoire dans tout ce qu'Allah nous a informé sur lui-même, subhanahu wa ta'ala, tout nom qu'il s'est donné à lui-même, toute description, attribut qu'il s'est donné et attribué, ou tout nom et attribut que lui a donné son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yanfouna shay'an minhu, wa la yuharrifunahu, wa la yumathiluna Allah bi shay'in min khalqih. وَلَا يَخُوضُونَ فِي الْكَيْفِيَّةِ. Il ne renie rien de tout cela. Il ne l'altère pas. Il ne déforme pas son sens. Et ne le font pas ressembler à une quelconque créature parmi la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et en plus de cela, il n'entre pas. Il ferme la porte sur le comment. كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما الله البسوتي nous dit dans le sens du verset, rien ne lui ressemble, rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend et celui qui voit, سبحانه وتعالى. فيؤمنون بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه وأنه سميع بصير فعال لما يريد يتكلم بما شاء متى شاء على الوجه اللائق بجماله وكماله. Ils ont la foi et la croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, séparé de sa création, il n'est pas collé à sa création, et qu'il entend et qu'il voit, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et il parle comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa grandeur, à sa majesté. Yu'minuna bi anna lahu 'aynayn wa anna lahu yadayn karimatayn wa anna lahu wajhan mawsufan bil jalali والإكرام ويؤمنون بأنه على العرش استوى وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير ينادي عباده أن يسألوه ويستغفروه ويدعوه. Ils ont la foi et la croyance qu'Allah a deux yeux et qu'il a deux nobles mains et qu'il a un visage qui est décrit par la majesté, la splendeur et la grandeur. Et ils ont la foi et la croyance qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône et qu'il descend jusqu'au plus bas ciel chaque nuit durant le dernier tiers de la nuit. As-sama dans la langue arabe, et on dit aussi as-sumu, c'est ce qui est en hauteur, c'est ce qui est au-dessus, comme le ciel qu'on voit au-dessus de nous. Mais ce n'est pas toutes les fois où le terme ciel est employé que c'est celui-là qui est voulu. Par exemple, ça, Cheikh Abdel Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala, il fait cette remarque qui est très importante. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, dans certains passages du Coran, nous parle de la descente de la pluie, et que la pluie, elle descend du ciel. Puis on voit la pluie descendre des nuages. Et les nuages sont en dessous du ciel qu'on voit. Et une des preuves de cela, c'est lorsqu'on prend l'avion. Et la pluie, elle tombe, et on est au-dessus des nuages, on n'a plus la pluie. La pluie, elle est en dessous de nous. Donc, quand la pluie, elle descend du ciel, c'est-à-dire d'une hauteur, au-dessus de nos têtes, et elle descend des nuages, pour vous faire comprendre d'où vient l'origine du terme ciel. Et que, à chaque fois où il est employé, il faut bien le comprendre. Et Allah descend au dernier tiers de la nuit et il invite ses serviteurs de lui demander, de l'invoquer, de le supplier, de lui demander le pardon. ويؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس لا يضامون في رؤيتها. Et ils ont aussi la foi et la croyance que les croyants verront leur Seigneur dans le paradis sans aucun problème, aucune difficulté, comme ils peuvent voir la lune durant la pleine lune, de même que le soleil dans la journée, même si on est nombreux, on est une foule, tout ce grand nombre de gens, toute cette foule ne nous empêche pas, chacun parmi nous, de pouvoir bien regarder le soleil. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. Allah dit dans le sens du verset, et il est le puissant, le dominateur sur ses serviteurs, au-dessus de ses serviteurs. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. Et il nous dit aussi dans le sens du verset, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش, celui qui possède le trône. المجيد, le sublime, le glorieux. سبحانه وتعالى. Ici المجيد, il est cité comme nom d'Allah تبارك وتعالى. Et ce n'est pas un qualificatif du arche. ذو العرش. ذو, c'est un terme qu'on fait pour celui qui possède. Celui qui possède une chose, Zul Arshi, celui qui possède le maître du trône, Al Arshi avec un kasra, avec un kasra, parce qu'il est mudaf ilayh, c'est un kasra qu'il a. Al Majidu, il a un dhamma, Zul Arshi Al Majidu, c'est le nom d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Zul Arshi Al Majid. فعال لما يريد. Il fait ce qu'il veut, سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Et dans le sens du verset, Allah nous dit, et lorsque Moussa est arrivé au rendez-vous que lui a donné son Seigneur Allah تبارك وتعالى, et que son Seigneur lui a parlé, et que son Seigneur lui a parler. Il y a un autre verset où Allah tabaraka wa ta'ala parle du fait qu'il a parlé à Moussa alayhi as-salam, et c'est pour ça qu'on appelle Moussa Kalimullah, celui qui a parlé à Allah tabaraka wa ta'ala. L'autre verset, qui peut me le rappeler? Barakallahu fik. Wa kallama Allah Moussa taklima. Allah, il a un dhamma, parce qu'il est fa'il. C'est Allah qui parle. Moussa taklima. Moussa se termine avec un alif maqsoura. Un ya sans les points. On appelle ça un alif maqsoura. Donc, on ne peut pas savoir s'il a un dhamma, un fatha. Donc, certains soi-disant connaisseurs de la langue arabe, pour défendre une fausse doctrine et ne pas reconnaître qu'Allah parle, ils disent que la véritable façon de lire Ce verset, c'est de dire « وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا » C'est-à-dire que le fa'il, il est employé après. Mais c'est Moussa qui a parlé à Allah. Et un de ceux-là l'a demandé à un des maîtres de la lecture du Coran. Un des sept grands lecteurs du Coran. Des riwayas du Coran. Il lui dit, est-ce que tu peux dire « وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا » au lieu de dire « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » Il lui a dit, même si je te le fais, je te l'accorde, comment ferais-tu avec l'autre verset ? Le verset qu'on vient de citer, où Allah dit « وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ » C'est, tu ne peux pas, tu n'as pas le choix. Comment tu vas faire avec ce verset-là ? Pour vous dire que l'innovation, les innovateurs de base, ils ont des idées, des opinions, des convictions. Puis, après les avoir eues, ils cherchent à tout prix de trouver un argument pour appuyer leur vision et leur position. Alors qu'Ahl al-Sunnah, ils disent non, tu n'as pas à avoir de position ou d'avis. Une fois que tu as les textes, la vie vient à suivre. Tu as telle croyance parce qu'Allah il a dit, parce que son prophète a dit. Tu as tel avis parce que voilà. Et eux, ils font le contraire de cela. Jusqu'à même en arriver, certains parmi eux, les extrémistes de chez eux, à vouloir toucher au Coran et au Hadith. À vouloir enlever, comme Allah l'a dit, si seulement je pouvais détruire certains passages du Coran. Et donc, ils vont toucher aussi au Hadith. En cherchant par tout moyen de prouver que tel hadith il est faible, en réalité, les spécialistes du hadith, ils prouvent qu'il est bien authentique et il n'y a rien qui pourrait dire le contraire. Wallahu al-musta'an. Wa qala ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Et Allah dit aussi dans le sens du verset, et si un des polythéistes, si des gens parmi les polythéistes cherchent asile auprès de toi, cherchent refuge auprès de toi, accorde-leur asile et refuge jusqu'à qu'ils entendent et qu'ils écoutent la parole d'Allah. Jusqu'à qu'ils écoutent la parole d'Allah. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Allah dit aussi dans le sens du verset, mais ses deux mains, les deux mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont grandes ouvertes. Il dépense, il donne, il octroie comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa li tusna ala ayni. Et pour que tu sois élevé, grand, tu grandisses, éduqué sous mon regard. Sous mon œil. وقال تعالى تجري بأعيننا. Le verset précédent concerne Moussa alayhi salam. Et là, ça concerne l'histoire de Nuh alayhi salam. Concerne l'arche de Noé. Le bateau sur lequel il y avait Nuh alayhi salam, le groupe de croyants avec lui et les animaux qui étaient à l'intérieur. Donc, en parlant de cette arche qui circule et qui vogue, sous notre regard, sous nos yeux. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna rabbakum laysa bi'awa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et certes votre Seigneur n'est pas borgne. C'est pour différencier de la situation de qui? De l'antéchrist qui lui va se dire Seigneur aux gens quand il sortira à la fin des temps. Il va se prendre pour Dieu et pour le Seigneur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le décrit et il nous dit, et il est borgne, il a un œil fermé, et votre Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, n'est pas borgne. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, yanzil rabbuna ila sama'i dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre Seigneur descend au plus bas ciel chaque nuit lorsqu'il ne reste de la nuit que le dernier tiers. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, qui m'invoque pour que je lui exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa qala ta'ala, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Et Allah, élevé soit-il, nous dit, dans le sens du verset, tous ceux qui s'y trouvent sur terre viendront à partir, viendront à la quitter, et il ne restera que le visage, la face de ton Seigneur plein de splendeur, de grandeur. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Et Allah nous dit aussi, dans le sens du verset, ce jour-là, il y aura des visages qui seront resplendissants, pleins de lumière, regardant vers leur Seigneur. وهكذا كل ما جاء في هذا الباب يؤمنون به على حقيقته لا يحرفونه ولا يمثلون الله بشيء من خلقه ويسكتون عما سكت الله ورسوله عنه. Et il en est de même pour tout ce qui est rapporté dans ce chapitre, le chapitre des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils y croient, ils ont la foi comme cela a été rapporté réellement dans sa réalité, sans le détériorer, sans l'altérer, sans lui donner une quelconque ressemblance avec ses créatures, et ils se taisent là où s'est tu Allah et son messager, alayhi salatu wa salam. Thaniyan, deuxièmement, al-iman bil malaika, la foi et la croyance aux anges. Fayu'minuna بأنهم كما قال الله عنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ils ont la foi et la croyance qu'ils sont les anges comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé d'eux, comme il nous les a décrits dans le sens du verset, des créatures, des serviteurs honorables qu'Allah a honoré subhanahu wa ta'ala. Ils ne le devancent pas dans la parole et ils appliquent l'ordre qui leur a été donné. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. Et Allah nous dit aussi dans le sens du verset, ils ne sont point orgueilleux dans son adoration. Ils ne se sentent pas au-dessus de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils ne s'en lassent pas, ils ne sont pas fatigués de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils glorifient Allah tabaraka wa ta'ala de nuit et de jour sans être fatigués. Wa nu'min bima ja'a fil ayati wal ahadith min asma'ihim wa awsafihim wa a'malihim. Et nous avons la foi et la croyance dans ce qui nous est rapporté dans les versets coraniques et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, les noms qui sont cités, les noms des anges qui sont cités, ainsi que leur description et les actions qu'ils accomplissent. فَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِالْوَحِي وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِالْقِطْرِ وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلْ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ وَمِنْهُمْ الموكل بكتابة أعمال العباد ومنهم الحفظة ومنهم موكلون بالأرحام ومنهم ملائكة رحمة ومنهم ملائكة عذاب إلى غير ذلك. Il y a parmi eux celui, l'ange, qui a comme mission d'amener la révélation, celui qui a comme mission de faire tomber la pluie, celui qui a comme mission de sonner et de sonner sur le cor, cet instrument qui va sonner avec l'ange pour signaler la fin du monde et aussi le moment de la résurrection. Et aussi celui qui a comme mission d'écrire les œuvres des gens, d'écrire des serviteurs. Et il y a aussi parmi eux ceux qui sont et ont comme mission de protéger les gens. Parmi eux, ceux qui ont comme mission d'inscrire ce qu'il y a dans les matrices des mamans. Parmi eux, il y a les anges de la miséricorde et il y a aussi les anges du châtiment et plein d'autres choses. Troisièmement, l'iman ou bil kutub, la foi dans et la croyance en les livres, c'est-à-dire les livres sacrés ou livres sacrés révélés par Allah tabaraka wa ta'ala. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين. Les adeptes de la sunna, أهل السنة والجماعة, ont la conviction, la croyance et la foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre à ses messagers des livres comme argument sur les mondes. وَمَا حَجَّةً لِلْعَامِلِينَ, et aussi un mode et des règles à appliquer pour ceux qui pratiquent. قال تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Allah nous dit dans le sens du verset, certes nous avons fait descendre sur nos messagers les preuves évidentes, les preuves implacables, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance pour que les gens soient dans le juste milieu, soient dans la droiture, et ils appliquent et pratiquent la justice. وَمِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَصُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ. Et parmi ces livres, il y a la Torah, il y a l'Évangile, il y a les psaumes, il y a les feuillets donnés à Ibrahim et à Moussa, et il y a le noble Coran. Et c'est le dernier de ces livres, et celui qui vient... Nasiquha vient à les abroger, barakallahu fik. Et qui est l'abrogeur de ces livres, mahfouzun bihifdillahi lah, et il est préservé par la protection d'Allah tabarak wa ta'ala min abathil abithin, de ceux qui voudraient jouer avec, s'amuser avec, faire n'importe quoi avec, wa zayri al-muharrifin, et aussi du détournement de ceux qui veulent lui donner un autre sens du Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, qui avons fait descendre le rappel, et certes, c'est nous qui le préserverons. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.